voyage au sommet du Mont Perdu. Les diverses tentatives que j'avais faites pour atteindre le sommet du Mont Perdu m'avaient convaincu que sa face orientale était la seule qui offrait des chances de succès. Et j'étais persuadé qu'en partant du col de Fanlo, le pic lui-même serait peu difficile à gravir, si toutefois l'intervalle qui le sépare du col n'avait pas dérobé à ma vue quelque obstacle qu'il fût impossible de surmonter. C'est donc vers ce douteux intervalle que toutes mes pensées étaient dirigées. Je partis de Barège le 9 août 1802. Ayant remonté les vallées de Gèdre et d'Estaubé, je fis ma première station au haut du port de Pinède. Nous étions à la hauteur du col de Fanlo. Il fallait descendre et descendre beaucoup pour y remonter. Nous nous dirigeâmes obliquement vers les énormes murailles qui soutiennent le lac du Mont Perdu et sa terrasse. Et nous arrivâmes au point d'où le torrent de décharge se précipite en une épouvantable cataracte jusqu'au fond de la vallée de Béousse. Voyage au sommet du Mont Perdu. Les diverses tentatives que j'avais faites pour atteindre le sommet du Mont Perdu m'avaient convaincu que sa face orientale était la seule qui offrait des chances de succès. Et j'étais persuadé qu'en partant du col de Fanlo, le pic lui-même serait peu difficile à gravir, si toutefois l'intervalle qui le sépare du col n'avait pas dérobé à ma vue quelque obstacle qu'il fût impossible de surmonter. C'est donc vers ce douteux intervalle que toutes mes pensées étaient dirigées. Là se trouve un petit plateau très herbeux, mais très incliné. Nous y rencontrâmes un troupeau et son berger, espèce de sauvage qui nous entendait à peine, même dans sa propre langue. Le Mont Perdu était suspendu sur sa tête, et il ne le connaissait pas plus que s'il le fait partie de la chaîne des Andes. Mais il connaissait fort bien le col de Fanlo, et s'engagea à nous y en conduire le lendemain. Nous passâmes donc la nuit avec lui, en plein air, environnés de laveurs de cascades, et l'orage grondant de toutes parts autour de nous. J'ai pris la hauteur de cette station. De là jusqu'au sommet du col de Niscle, nous n'éprouvâmes d'autres difficultés que celles qui naissaient de la forte inclinaison des pentes. Je vérifiai à la hauteur du col et je le trouvais précisément du niveau avec celui de la Pinède. Il est également de niveau avec le bord de la terrasse où se trouve le lac Montperdu. Je partis de Barège le 9 août 1802. Ayant remonté les vallées de Gèdre et d'Estobé, je fis ma première station au haut du port de Pinède. Jusqu'ici, j'avais marché sur un terrain connu et dont j'ai déjà décrit les singularités, sur ce terrain secondaire à couches irrégulières et accidentellement redressées. On leur voit se succéder les marbres, les brèches, les calcaires compacts lardés de silex et les calcaires grossières plus ou moins mélangées d'argile et de sable, et toutes parsemées de débris de zoophytes et de testacés. Maintenant, je me trouvais sur le prolongement même des bancs qui constituent les sommets du Montperdu. Nous étions à la hauteur du col de Fanlo. Il fallait descendre et descendre beaucoup pour y remonter. Nous nous dirigeâmes obliquement vers les énormes murailles qui soutiennent le lac du Montperdu et sa terrasse. Et nous arrivâmes au point d'où le torrent de décharge se précipite en une épouvantable cataracte, jusqu'au fond de la vallée de Béousse. Voyage au sommet du Montperdu. Les diverses tentatives que j'avais faites pour atteindre le sommet du Montperdu m'avaient convaincu que sa face orientale était la seule qui offrait des chances de succès. Et j'étais persuadé qu'en partant du col de Fanlo, le pic lui-même serait peu difficile à gravir, si toutefois l'intervalle qui le sépare du col n'avait pas dérobé à ma vue quelque obstacle qu'il fût impossible de surmonter. C'est donc vers ce douteux intervalle que toutes mes pensées étaient dirigées. La montagne qui domine le col à l'orient, se trouvant coupée à pic de mon côté, me présentait une coupe transversale aussi nette que bien caractérisée, des couches qui forment les cimes que j'allais gravir. Ce que je venais de voir dans la montagne de Nitzcle, j'allais le toucher en montant au sommet du Montperdu, mais par portions, mais en détail, au milieu des neiges et des glaces, au sein du désordre et des ruines, où il est rarement possible de discerner la disposition et la structure de ces bancs si régulièrement entrelacés. Je partis de Barège le 9 août 1802. Ayant remonté les vallées de Gèdre et d'Estobé, je fis ma première station au haut du port de Pinède. Là se trouve un petit plateau très herbeux, mais très incliné. Et bientôt ces diverses couches s'enfoncent sous les glaciers et on les perd de vue. Nous abordâmes ces glaciers qui sont là, alors le Montperdu était suspendu sur sa tête et par conséquent peu incliné. Pas plus que s'il fait partie de la chaîne. La traversée, cependant, en fut assez désagréable. Tantôt leur surface était dure et glissante, tantôt nous enfoncions jusqu'aux genoux dans les neiges nouvelles qui tombaient sur les cimes vers la fin des cascades. Et l'orage grondant de toutes parts autour de nous. D'autres crevasses étaient ouvertes et contrariaient notre marche. Peu s'en fallut même que la dernière ne nous arrêta à 200 mètres au-dessus de la difficulté que celle qui naissait de la forte inclinaison. Celle-ci s'étendait, transversalement, je vérifiais à la hauteur du col, depuis la naissance du glacier jusqu'au escarpement de la vallée de Béousse. Il était également de niveau avec le bord de la terrasse où se trouve le lac Montperdu. Nous nous dirigeâmes obliquement vers les énormes murailles qui soutiennent le lac du Montperdu et sa terrasse. Et nous arrivâmes au point d'où le torrent de décharge se précipite en une épouvantable cataracte jusqu'au fond de la vallée de Béousse. Il n'y avait que 4 jours que mes guides l'avaient passé fort commodément sur un pont de neige. Ce pont s'était effondré. Il fallait franchir l'intervalle en sautant de bas en haut. Nous y réussîmes. C'était le dernier obstacle. Jusqu'ici, j'avais marché sur un terrain connu et dont j'ai déjà décrit les singularités, sur ce terrain secondaire à couches irrégulières et accidentellement redressées. On leur voit se succéder les marbres, les brèches, les calcaires, compactes lardées de silex, et les calcaires grossières, plus ou moins mélangées d'argile et de sable. J'ai toujours la profondeur de cette crevasse. Elle avait 13 mètres ou 40 pieds. Maintenant, et comme le lieu où nous la passâmes répondait à la convexité de la montagne, les sommets du Mont il est clair que c'était aussi le lieu où le glacier avait le moins d'épaisseur. De là, je voyais la cime qui m'avait été constamment cachée par la disposition des pentes que j'avais parcourues. Le soleil brillait de l'éclat le plus pur, mais son disque était dépourvu de rayons, et le ciel semblait d'un bleu noir si fortement nuancé de vert que mes guides même furent frappés de son étrange apparence. La première teinte avait été observée sur toutes les hautes montagnes. Mais il n'y a point l'exemple de la seconde, et je ne sais à quoi attribuer les singulières illusions optiques. Pour atteindre le sommet du Mont Perdu, à 11h15, j'atteignis le sommet, la seule qui offrait des chances et j'eus le plaisir de voir enfin toutes les Pyrénées sous mes pieds. Je mis aussitôt mes instruments en expérience. Il régnait un vent furieux d'ouest-sud-ouest qui rendit cette opération assez difficile. Ma vue quelques obstacles qu'il fut impossible de surmonter. C'est donc vers ce douteux intervalle que toutes mes pensées étaient dirigées. Là se trouve un petit plateau très herbeux, mais très incliné. Nous y rencontrâmes un troupeau et son berger, espèce de sauvage qui nous entendait à peine, même dans sa propre langue. Le Mont Perdu était suspendu sur sa tête, et il ne le connaissait pas plus que s'il le fait partie de la chaîne des Andes. Du haut du Mont Perdu, l'œil saisit à la fois tout ce système de montagnes semblables et reconnaît la même constitution dans tout ce qui s'élève au-dessus des hauteurs ordinaires. C'est une longue suite de sommités à couches redressées qui se rangent sur une seule et même ligne, dirigée parallèlement à la chaîne, et qui partage l'immense horizon du spectateur en deux parties, aussi différentes des niveaux qui le distinguent par la carte des montagnes dont elles sont jaillies. Je vérifiais à la hauteur que j'allais gravir. Je trouvais précisément du niveau. Il fallait voir ces crevasses de plus près, mais nous pouvions songer à y descendre de la cime. Ce précipice n'est pas de ceux que l'on brave ordinairement. Nous décidâmes donc à faire des tours de 12 ou 15 lieues pour aller chercher leur embouchure, soit dans le vallon autour, partie sous l'asphalte chaud, et nous reprîmes la route des cataractes de Béos pour être au moins certains de passer cette nuit dans un lieu où il fut possible d'allumer du feu. Je quittais le sommet en une heure, après avoir fait une seconde observation du baromètre. J'avais séjourné près de 2 heures sous cette cime, et à quelques distances que j'eusse porté mes regards, je n'avais aperçu aucun autre vivant qu'un aigle qui passait au-dessus de nous, volant directement contre le vent avec une inconcevable rapidité. En moins d'une minute, bientôt, nous le perdîmes de vue. Couche s'enfonce sous les glaciers. Et le lendemain, au point du jour, nous allâmes reconnaître les murailles, qui sont et après deux tentatives infructueuses, nous parvînmes enfin à gravir des pierres et mains. Sur ce terrain, la traversée d'un péril imminent, arrivé sur le plateau, nos aspects avaient tellement changé que nous en pouvions les reconnaître. Nous avons perdu le cylindre, ses murailles, ses brèches et des deuxièmes, et nous savions comment les démêler dans ce chaos de réchauffage. Il fallut parcourir une pierre compartie du plateau pour accorder mes observations avec celle que j'avais faite de la cime. Celle-ci s'étendait. Maintenant, j'avais parcouru dans deux directions toute la partie méridionale de la chaîne coquillière. Je vais exposer en peu de mots les principaux résultats de mes observations. Voyage au sommet du Mont Perdu. Les diverses tentatives que j'avais faites pour atteindre le sommet du Mont Perdu m'avaient convaincu que sa face orientale était la seule qui offrait des chances de succès. Voyage au sommet du Mont Perdu. Les diverses tentatives que j'avais faites pour atteindre le sommet du Mont Perdu m'avaient convaincu que sa face orientale était la seule qui offrait des chances de succès. Et j'étais persuadé qu'en partant du col de Fanlo, le pic lui-même serait peu difficile à gravir, si toutefois l'intervalle qui le sépare du col n'avait pas dérobé à ma vue quelque obstacle qu'il fut impossible de surmonter. C'est donc vers ce douteux intervalle que toutes mes pensées étaient dirigées. Je mesure la profondeur de cette crevasse. Elle avait 13 mètres ou 40 pieds. Et comme le lieu où nous la passâmes répondait à la convexité de la montagne, il est clair que c'était aussi le lieu où le glacier avait le moins d'épaisseur. De là, je voyais la cime qui m'avait été constamment cachée par la disposition des pentes que j'avais parcourues. Le soleil brillait de l'éclat le plus pur, mais son disque était dépourvu de rayons, et le ciel semblait d'un bleu noir, si fortement nuancé de vert, que mes guides même furent frappés de son étrange apparence transversale aussi nette que bien caractérisée. La première teinte avait été observée sur toutes les hautes montagnes que j'allais gravir. Mais il n'y a point l'exemple de la seconde. Je ne sais à quoi attribuer cette singulière illusion d'optique. J'allais le toucher en montant au sommet du Mont Perdu. Mais par contre, à 11h15, j'atteignis le sommet, au milieu des neiges et glaces. Et j'ai le plaisir de désenfin toutes les pierres sous mes pistolets. Il est rarement mis aussitôt mes instruments en position. Il régnait un vent furieux d'ouest à sud-ouest. Je partis de Barrières, le 9 août 1802. Ayant remonté les vasées de Gèdre et d'Estobé, je fis ma première station au haut du pont de Pinette. Son berger, espèce de sauvage qui nous entendait à peine, même sa propre langue. Le mont perdu était suspendu sur sa tête, et il ne le connaissait pas plus que s'il ne fait partie de la chaîne des Andes. Mais il connaissait fort bien le col, le Fanlo, et s'engagea à nous y en conduire le lendemain. Nous passâmes mais bientôt ces diverses couches s'enfoncent sous les glaciers, environnés par leurs cascades, et leur abordâmes ces glaciers qui sont là, à leur origine, et par conséquent, peu importe. J'ai pris la hauteur de cette station. La traversée, au sommet du mont perdu, c'est désagréable. L'œil saisit à la fois tout ce système de montagnes semblables. Tu as reconnu la même constitution, tout ce qui s'est laissé dessus et sur le terrain ordinaire, précis vers la fin du massif. C'est une longue suite de sommités à couches redressées qui se rendent sur une zone de la traversée qui est dirigée par un contre. Nous étions à la hauteur du parc de Fanlo. Il fallait descendre et descendre de coup pour y remonter. Nous dirigeâmes obliquement vers les énormes murailles qui soutiennent le lac du mont perdu et sa terrasse. Nous arrivâmes au point où le torrent de décharge se précipite pour une épouvantable cataracte jusqu'au fond de la vallée. Le précipice n'est pas de ceux que l'on brave impunément. Nous décidâmes donc à faire un détour de 12 ou 15 lieues pour aller chercher leur embouchure, soit dans le val de Broto, soit dans celui de Fanlo. Et nous reprîmes la route des cataractes de Béous pour être au moins certains de passer cette nuit dans un lieu où il fut possible d'allumer du feu. Je quittai le sommet en une heure, après avoir fait une seconde observation du baromètre. J'avais séjourné près de 2 heures sur cette cime, jusqu'ici à quelques distances que je m'écline des regards, je n'avais aperçu aucun autre vivant qu'un lac de couche passée du sud. Il fallait affronter directement contre le vent avec une inconcevable rapidité réussie, au moins 10 minutes sur le regard de la rue. Le lendemain, au point du jour, nous allâmes reconnaître les murailles, et après 2 tentatives infructueuses, nous parvînmes enfin à les gravir des pieds et des mains. Maintenant, je me trouvais sur le péril imminent. Arrivé sur le plateau, tous les aspects avaient tellement changé que nous ne pouvions nous y reconnaître. Le mont perdu, le cylindre, ses murailles, ses brèches étaient devant nous, et nous savions comment les démêler dans ce chaos de rechange. J'ai mesuré la profondeur de cette crevasse. Il a fallu parcourir une partie du plateau pour accorder mes observations avec celles que j'avais faites de la cime. Il est clair que c'était aussi le lieu où le glacier avait le moins d'épaisseur. Maintenant, j'avais parcouru dans 2 directions toute la partie méridionale de la chaîne coquillère par la disposition des pentes. Je vais exposer en peu de mots les principaux résultats de mes observations. Le soleil brillait de l'éclat le plus pur, mais son disque était dépourvu de rayons, et le ciel semblait d'un bleu noir si fortement nuancé de vert que mes guides même furent frappés de son étrange apparence. La première teinte avait été observée sur toutes les hautes montagnes. Mais il n'y a point l'exemple de la seconde, et je ne sais à quoi attribuer cette singulière illusion d'optique. Voyage au sommet du mont perdu. Les diverses tentatives que j'avais faites pour atteindre le sommet du mont perdu m'avaient convaincu que sa face orientale était la seule qui offrait des chances de succès. Et j'étais persuadé qu'en partant du col de Fanlo, les pics le même seraient difficiles à gravir. Si toutefois l'intervalle qui le sépare du col n'avait pas dérobé à ma vue quelques obstacles qu'il fut impossible de surmonter. Là se trouve un petit plateau très herbeux, mais très incliné. J'y rencontrâmes un troupeau et son berger, une espèce de sauvage qui nous entendait à peine, même dans sa propre langue. Le mont perdu était suspendu sur sa tête, et il ne le connaissait pas plus que s'il ne fait partie de la chaîne des Andes. Mais il connaissait fort bien le col de Fanlo, et s'engagea à nous y en conduire le lendemain. Nous passâmes donc la nuit avec lui, en plein air, environné du lac de cascade, et l'orage grondant de toutes parts autour de nous. J'ai pris la hauteur de cette station, de là jusqu'au sommet du col. J'ai trouvé d'autres difficultés que celles qui naissaient de la forte inclinaison des pentes. C'est une longue suite de je vérifiais à la hauteur du corps, je me trouvais précisément dans la douche avec celui de Paris. Il est également du niveau avec le bord de la terrasse où se trouve le lac Montpère. Au sein d'une énorme ruine, que distingue rare la fois à discerner la disposition et la structure de ses bancs, si régulièrement entrelacés. Il fallait voir ces crevasses de plus près, mais nous pouvions songer à y descendre de la cime. Ce précipice n'est pas de ceux que l'on brave impunément. Nous décidâmes donc à faire un détour de 12 ou 15 lieues pour aller chercher leur embouchure, soit dans le val de Broto, soit dans celui de Fanlo. Et nous reprîmes la route des cataractes de Béous pour être je partis de Barège, le levou de fumigation d'allumer du feu. Ayant remonté les vallées de Gèdre et d'Estobé, après avoir fait je fis ma observation sur le déplacement de diverses couches s'enfoncent sur les écrits des éperdités. Sur ce terrain, c'est d'abord d'un trait glacier sur la tière, alors il y a quelques distances que j'ai parcouru mes regards. Je n'avais aperçu aucun autre. Jusqu'ici, j'avais marché sur un terrain connu, et dont j'ai déjà décrit les singularités, sur ce terrain secondaire, à couches irrégulières et accidentellement redressées. On le voit se succéder les lavres, les brèches, les calcaires, compactes, lardées de silex, et les calcaires grossières, plus ou moins mélangées d'argile et de sable, et toutes parsemées de débris de griffites et de testacées. Maintenant, je me trouvais sur le prolongement même des bancs qui constituent les sommets du mont perdu. Les brèches étaient devant nous, et nous savions comment les démêler dans ce chaos de rêches empilées. Il fallut parcourir une partie du plateau. Nous étions à la hauteur du col de Fanlo. Il fallait descendre et descendre beaucoup pour y remonter.